Let's go, girls. Et surtout être terrible. ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Le froid piqué me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. La la la la la la la la la la la la. Mais surtout ne t'en fais pas. Je serai bientôt là. La la la la la la la. Et tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi, mais je ne pleure pas, car je suis un soldat. Et surtout ne t'en fais pas, je serai bientôt. Tu seras fier de moi. À l'heure où la mort passe dans le fleuve à mes pieds, de la boue qui s'en va, des godasses et des rats, je revois tes yeux clairs, j'essaie d'imaginer l'hiver auprès de toi. Mais je suis là. La la la la la la la la la la. Je ne sens plus mes bras qui tournent autour de moi. La la la la la la la. Mon Dieu, sors-moi de là. Notre chère Augustine, j'aimerais te confier nos plus beaux souvenirs et nos enfants rêvés. Je crois pouvoir le dire, nous nous sommes aimés. Je t'aime une dernière fois, je ne suis qu'un soldat. La la la la la la la la. Poison dans les veines, y'a mon âme coincée sous les verres, et dans ma bouche un goût amer. Je rêve seul avec mes acouphènes. T'as mis mon cœur en quarantaine, mon amour tu m'as mise à terre, aveugle et sourde et sans repère. Je te pardonne pour mon cœur fracassé, je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait, je te pardonne d'avoir tout niqué, je te pardonne. Je voudrais oublier, je me sens. J'aurais pas pensé, j'abandonne. Je mets tout de côté, tu m'étonnes. Je l'amour fait crever, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Mes rêves s'effondrent, ils tirent la gueule. Notre lit devient comme un cercueil. Mes pleurs se fondent avec la table. La nuit est longue, je me sens minable. Mes rêves s'effondrent et je pète un câble. Dans notre chambre, je vois même le diable. Je te pardonne pour mon cœur fracassé. Je te pardonne pour tout ce que tu m'as fait. Je te pardonne d'avoir tout niqué. Je te pardonne, je voudrais oublier, je me sens conne. J'aurais pas pensé, j'abandonne. J'ai broyé bien plus que du noir sur la palette de la douleur, toutes les variantes du désespoir. Y'a toi qui peux me consoler. Pourtant c'est toi qui m'as blessée. C'est plus pareil, je me vois flou. J'ai son odeur sur tes genoux. Je suis comme un soldat fusillé. J'ai pas vu l'ennemi arriver. Mais j'ai appris à prendre les coups. Je compte bien me battre jusqu'au bout. Je te pardonne, on va tout reconstruire. Je te pardonne, tu sais qu'on va guérir. Je te pardonne, je peux pas faire autrement. Je te pardonne, ça sera beau comme avant. Je te pardonne, accroche-toi à mes bras, abandonne tous les manèges à trois, je m'en tamponne. Mais tant que ça me prendra, je te pardonne. Je te pardonne, je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-ciel. C'est aussi ça? We'll be right back. Pensez. Il vaudrait bien mieux partir, s'en aller d'ici, partir et foutre le camp en Calédonie. Il vaudrait bien mieux partir, s'en aller d'ici, partir et foutre le camp en Calédonie. Cher auditeur, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà donc, eh bien, déjà, bonjour tous à vous toutes. Donc, eh bien, nous sommes déjà, donc, eh bien, le dimanche, et c'est le retour de l'accordéon. Voilà donc, eh bien, l'accordéon est toujours présent pour vous faire tout simplement, eh bien, un plaisir, et puis de tout oublier vos soucis. Déjà, avant de commencer, bien sûr, eh bien, l'émission, tout simplement, un petit coucou, tout simplement, à Lionel et puis à Jérôme. Tout simplement, que vous allez les retrouver, tout simplement, eh bien, la semaine prochaine, à partir de 10h30, tout simplement, pour le téléphone sonne. Donc, eh bien, je vous souhaite de passer bon après-midi, tout simplement, avec l'accordéon. Eh bien, je vous laisse avec deux morceaux de valse et puis juste après, le tango. Sur Arc-en-Ciel. arc-en-ciel. Voici donc le Fox et puis juste après la Java. Mathieu pourrait y garder vos bœufs. Vu que l'amour est dans mon pré, toutes les filles du canton, à voudrait, ben faire un tour dans mon tracteur. Faut les voir s'agglutiner devant l'été au cochon. Quelle odeur, quelle odeur, oh mon Dieu que ça sent bon. Et Père Mathieu, pourrait-y garder vos vaches. Père Mathieu, pourrait-y garder vos bœufs. Père Mathieu, pourrait-y garder vos vaches. Père Mathieu, pourrait-y garder vos bœufs. Je sais pas si c'est pas pour moi, ou si c'est pour mes bestiaux. Qu'elles accourent avec leurs pantalons hauts. Vu leur émission de télé, tous les paysans comme moi. On assure, avec la cool femme c'est vrai. Et Père Mathieu, elle pourrait y garder vos vaches. Père Mathieu, elle pourrait y garder vos bœufs. Je pourrais t'y garder vos vaches. Père Mathieu, je pourrais t'y garder vos bœufs. Quand les vaches sont tirées, que les œufs des poules y sont levés, je me délasse dans un bon bas de fumier. Je peux vous dire que les drouillères qui couraient après moi hier, ça détale, c'est pas des vrais gens de la terre. Père Mathieu, pourrais-tu garder vos vaches? Père Mathieu, pourrais-tu garder vos bœufs? Père Mathieu, pourrais-tu garder vos vaches? Père Mathieu, pourrais-tu garder vos bœufs? Voici donc, eh bien, tout simplement le mambo et puis juste après, musette. Aperçu sur la piste, tu avais la triste, regardant autour de toi. Mais quand je me suis approché pour te faire danser, tu n'avais Dieu que pour moi. Oh, danse mambo, c'est bien mieux que la rumba. Danse mambo, dans mes bras envole-toi. Danse mambo, plus léger que la salsa. Danse mambo, comme à Cuba là-bas, et cœur contre cœur, rythme de bonheur, la musique c'est magique, fou, fou, on oublie tout. Danse mambo, c'est bien mieux que le tambour. Danse mambo, mieux que le passo, le rock ou le saut. On a dansé toute la nuit, c'était la folie, on a accordé nos pas. Nous ne sommes plus quittés, tous deux envoûtés par le mambo, ce bon roi. Allez, allez! que la salsa. Dans ce mambo, tout comme à Cuba, là-bas. Et cœur contre cœur, rythme de bonheur. La musique, c'est magique. Fou, fou, on oublie tout. Dans ce mambo, c'est bien mieux que les voyages. Car les paysages de ton visage. c'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Retour avec la valse et puis juste après la polka. Le mardi s'amène la danse, tous en même temps dans l'ambiance. On est dans le coup, il s'en balance. C'est parti jusqu'à demain matin. Et c'est bien. Arc-en-ciel. Qui ne veut pas s'en aller, comme un parfum de guinguette qui revient pour m'embrasser. J'ai une java dans la tête, j'ai envie de m'amuser. Je t'emmène au bal musette, allez viens on va guincher. Et la java, on va la faire et on va la danser. Et la java, je veux la faire avec toi. Hop là! Je Voici donc la tarentelle. Après, elle nous coûtera tout simplement le banjo. Et puis après, ce sera la fiesta. Qui se danse et jeunisse dans les bois. On ne sait jamais quand ça va finir. Ça pourrait bien durer toute la nuit. Et souvent, quand la danse se termine, elle se poursuit sous le pont des soupirs. Thank you. aux arènes de Séville, tous les garçons et les filles, tous les aficionados viennent applaudir le torero. Ébloui par la lumière, le taureau mord la poussière, toi tu cries olé encore, bravo pour le beau matador. Tous les vivants de la foule célèbre sur la plaza, on sent monter la fièvre. Aïe aïe aïe Marie. Ay, ay, ay, señorita. Quand la corrida commence, quand le fier taureau s'élance, on peut voir dans tes yeux noirs toute l'Andalusia. Ay, ay, ay, María. Ay, ay, ay, señorita. Le torero s'avance, auréolé de vaillance, tu es au paradis. Au pays du flamenco, on a souvent le sang chaud, on se sent l'âme espagnole le soir sur la Costa del Sol. De Madrid à Malaga, de Cadiz à Córdoba, Rosellito Manolete sont toujours les dieux de la fête. Quand les vivants de la foule célèbre sur la plaza, on sent monter la fièvre. Aïe, aïe, aïe, Maria. Aïe, aïe, aïe, Seigneurie. La corrida commence, quand le fier taureau s'élance, on peut voir dans tes yeux noirs toute l'Andalousie. Aïe, aïe, aïe, Maria. Aïe, aïe, aïe, señorita. Quand le torero s'avance, Thank you. essentiel. Retour avec la valse. Mea valse musette. Noir. La main la regarde jalouse de temps. se tait. Et dans un fandango, elle trouble le cerveau. Oh, Juanita, troublante fleur de Castille. Quand tu danses sous ta mantille, c'est le désir qui te suit pas à pas. Avec l'espoir de faire la conquête de Juanita qui lit de l'amour. Et quand elle attaque la danse, le passe au double donne des frissons. Tous les cœurs marquent la cadence quand elle chante cette tendre chanson. L'amant de cette nuit croira qu'elle est à lui, mais quand le jour viendra, sur son rêve il pleurera. Et l'ambiance, tous ces petits bistrots, sur le connu du pile ou celui de l'apéro, qui fait qu'on se sent bien jusqu'à son dernier verre, pas pour la simple histoire de marcher de travers. Et ce serait un leurre, comme un mauvais départ, penser que dans les auberges, les zingues ou bien les bars, on n'y voit que des coudes qui font bien leur boulot, pendant que le bon vin coule à tire l'arigot. La chanson des vieux hommes aux 100 000 refrains, qui la connaît par cœur, elle trinque avec son verre, du Procope de Paris au Terminus de Pain. Elle vient te raconter les génies de Naguère, ceux qui ont musardé devant ce même comptoir, plongés dans ce même décor que les anciens pouvaient voir. Et si tu écoutes bien, tu entendras Clément sur la pointe des ailes chanter avec le vent. Tu as aimé l'ambiance de tous ces petits bistrots, t'as même refait le monde à l'heure de l'apéro. Maintenant tu t'y sens bien, tu ne veux plus t'en aller. C'est l'escalier copain, la tournée détournée. Tu basques dans le temps et tu n'entends plus rien. Et plus rien ne te touche, et plus rien ne t'atteint. T'as pas peur, c'est que la vie qui succède à la vie. Les petits noirs aux petits crèmes, les sérieux aux demi. La chanson des vieux zingues aux 100 000 refrains, tu la connais par cœur, elle trinque avec ton verre, du Procope de Paris au Terminus de Tain. Elle vient te raconter les génies de la guerre, ceux qui ont musardé devant ce même comptoir, quand c'est dans ce même décor que les anciens pouvaient voir. Et si tu écoutes bien, tu entendras Clément sur la pointe du sel chanter avec le vent. Ils ont gardé l'ambiance tous ces petits bistrots, sur le côté des fils ou celui de l'apéro, qui fait de les gardiens de la mémoire du temps. Pas pour la belle histoire qu'on raconte aux enfants. Parmi tous ces vieux zingues, il y a la table ronde, un café à Grenoble à l'âme vagabonde. Des artistes s'attardent sur la pointe des pieds. La chanson des vieux zingos sans mille refrains. Tu la connais par cœur, elle trinque avec ton verre. Du Procope de Paris au Terminus de Tain. Elle vient te raconter les génies de la guerre. Ceux qui ont misardé devant ce même comptoir. Planté dans ce même décor que les anciens pouvaient voir. Et si tu écoutes bien, tu entendras Clément. Sur la pointe des ailes, chantera avec le vent. Si tu écoutes bien, tu entendras Clément. Sur la pointe des sels, chanter avec le vent. Arc-en-ciel. Voici donc eh bien la tarentelle, tout simplement. Et puis, juste après, on va faire un petit tour du côté du fox italien. Pas besoin d'être né en Italie pour être essentiel. Voici donc le Boléro. Et puis juste après, ce sera le Passo. j'ai quelques tout simplement cornistes avec le compris. Charles Fox. Et puis juste après la fiesta. We'll be right back. voici donc eh bien, le passe-double. We'll be right back. voici donc eh bien, du côté du Tyrol. C'est du bonheur assuré, venez admirer les marmottes, les éperiers et les fleurs sauvages. La chanson du vent léger va vous enchanter. été cet été. Où t'as été à Tahiti? Si t'as été à Tahiti, sais-tu qui a été à pied? J'ai pris ma moto, je me suis sur mon dos, je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon vélo, j'ai dit va faire chaud, et je suis parti pour Tahiti. Tahiti, t'as pas pu aller en moto. Si t'as été à Tahiti, t'as pas pu aller à vélo. J'ai pris mon dada, vas-y mon petit gars, je suis parti pour Tahiti. J'ai pris mon baba et je l'ai mis sur mon bras, je suis parti pour Tahiti. Java. Je t'aime, Philippe le théâtreux. On buvait ses poèmes, corsés comme du vin vieux. Un cœur de baladin, une supporte pas la vie, il est sans lendemain, ce monde n'est pas pour lui. Café des artistes, on n'en fait pas un plat. Allez, bon vent l'artiste, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut se dépasser pour vivre à l'improviste. Ne va pas pleurer, mieux que la bière est triste. Des sons égratignés, de vieilles accordéons, les graines des couplets, oubliées pour de bon. Le café des artistes, y'en a dans le monde entier, mais c'est irréaliste de vouloir les compter. Glace du comptoir, sous les feux tamisés, des spots du vieux bar, on renvoie la clarté. Le patron joue aux cartes avec trois bons clients, et cause un certain Sartre qu'il a connu dans le temps. Sur la banquette au fond, un vieux monsieur s'endort. Il rêve de Madelon. Patron, parlez moins fort. Jacques écrit son roman, il n'en est qu'au début, mais ça fait un moment qu'il planche dessus. Au son du vieux bassingue, je chante avec Marie, écoute sur les vieux zingues, les voiles infinies. De vrais idéalistes, soudain devenus rois, au café des artistes, il n'y a pas de loi. C'est mon théâtre à moi, j'ai fait mon tour de piste, un verre entre les doigts. Si le bonheur existe, il est là sous nos pas, alors fais-toi artiste, tu le rencontreras. Si le bonheur existe, il est là sous nos pas, alors fais-toi artiste. Le rencontrera. c'est donc deux morceaux de Musette. Thank you. Voilà, donc il est 15h53, et bien voilà, l'émission touche à sa fin. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé très bon après-midi avec l'accordéon. Et puis on va se retrouver donc eh bien dimanche prochain pour toujours avec l'accordéon, mais on se retrouve aussi mardi à partir de 13h30 pour l'émission Music Dance. Voilà donc, et eh bien je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes, et puis passez bonne fin d'après-midi. sou imigrante. Braga, Bragança, do Porto ou Lisboa, do Alentejo ou Algarve, não importa o lugar. Desde os Açores à Madeira, que ilhas tão boas. Vou regressar ao meu lar, onde posso me amar. Todos os anos vivi procurando pequenas lembranças do meu Portugal. Não importa o tempo.